qu'elle baisa, l'implorant. « Oh, laisse-moi revenir. Auprès de toi, j'oublierai El Mustansar, le soldat, et j'éviterai peut-être la perte que son amour me réserve. » Si Abd es-Selem hocha la tête. « Non, ne reviens pas. La griserie d'une heure charmante ne renaîtrait plus. Non, ne reviens pas. Bas à ton destin, j'irai au mien. » Rouge et ardent, baigné d'or pourpré, le soleil se levait au-dessus de la mer, d'une nuance lilacée, nacrée, où de légers serpents d'argent couraient, rapides, fugitifs. Long de l'oued d'herbe limpide et tranquille, sous les eucalyptus bleuâtres, Si Abd es-Selem s'avançait lentement, rêveur. Souvent, après la première prière du jour, Si Abd es-Selem aimait promener son rêve triste, communié au sourire des choses. Tout à coup, sur la plage déserte, parmi les herbes longues et verdâtres, les coquillages blancs et les galets noirs, Si Abd es-Selem aperçut un corps de femme couché sur le dos, vêtu d'une robe de brocart rose et enveloppé d'un grand châle de cachemire. Il s'approcha et se pencha, soulevant le châle. Il reconnut la juive, jeune et belle, les yeux clos, les lèvres retirées dans un sourire douloureux. Deux coups de baïonnette avaient transpercé son corps et le sang inondait sa poitrine. Si Abd es-Selem se redressa. Il regarda le cadavre pendant un instant et, dans sa pensée, il détailla les souvenirs de la nuit d'amour que 3 années auparavant il avait prise à la belle Rakil. Puis, du même pas tranquille, il reprit sa promenade dans la splendeur plus ardente du jour éblouissant.